We'll be right back. Calma. Super D. Eh, ouais, mais oui, mais. Alors, c'est quoi la première partie? 3, 4. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la première partie. Allez, vas-y, mon gars! Allez! Karma, DJ Karma. Ok, DJ Karma. Ok, chef. Ah, attends. Je suis auto. Ok, t'as fait. Attends, je fais tourner. 1, 2, 3. Time. No waste to see certified to wake up dead to save. Dollar waves in the offer to save our mind. And the dead to eye, the rich to sigh, and under the wine. That we're on to the sail, not to the mind. We'll be right back. Et en forme le fil, hein. Comme diraient les Anglais, me too. Amazing, comme diraient les Américains. Oh, it's amazing, it's amazing. Okay. Bonne soirée. Money. Cheval est ressorti, la ressortie de canasson. Thank you. émission. Elle est lourde ou pas?